Le son de MHD sur Skyrock avec Afro Trap. It's the morning. The morning. Morning. The morning. Le morning rap et R&B. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. Allez, le coup d'envoi du morning rap et R&B. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je suis super content d'être là d'ailleurs, de venir attaquer la journée et attaquer la semaine avec vous sur Skyrock. Le morning rap et R&B. Je vous accompagne durant cette matinée de lundi. On est le 8 août. Aujourd'hui, il est pratiquement 6h du matin. Il y a plein de choses qui vont se passer dans l'émission d'ailleurs ce matin. Parce qu'on aura des cadeaux à vous offrir. Il y a la roulette qui va tourner ce matin. On va faire un petit point sur l'horoscope aussi, voir comment ça se passe là, si on va attaquer la semaine sous de beaux cieux. Bon ben restez à l'écoute de Skyrock, on va se faire un petit point aussi sur la météo, sur l'info aussi de ce premier jour de la semaine. Il s'est passé plein de choses, notamment les Jeux Olympiques, entre autres. On va retrouver Jules maintenant pour l'info sur Skyrock. Salut Jules. Salut Stéphane. Ah attends, je t'ai pas ouvert le bon micro. Ah, Jules, ça va. C'est la première fois que je fais l'émission, Jules. Pas de soucis Stéphane. Donc je découvre. Ouais, ça va, grande forme. Et toi Jules, ça va la fin? Bah ouais, parfait. Bon, on est parti. Tu vas nous faire un petit point sur l'info maintenant. C'est parti, ouais. La météo aussi. Et ce matin c'est pas mal dans l'ensemble hein. On a du soleil sur la majorité du territoire. Encore quelques nuages et de la grisaille dans le nord. Et de la pluie en Bretagne. Cet après-midi toujours ces nuages sur la moitié nord qui laissent quand même passer des éclaircies. On a du soleil sur la moitié sud. Les températures ce matin vont de 17 à 30 degrés, 19 à Lille et Brest, 20 à Paris, 22 à Bordeaux et Lyon et 27 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 35 degrés, 21 à Lens, 25 à Nancy et Nantes, 28 à Toulouse et Strasbourg et 35 à Montpellier. La pollution aujourd'hui, ça va, des indices entre 3 et 5, 3 à Orléans, 4 à Pau et 5 à Avignon. Et l'actu, ça y est, la France et sa première médaille au JO de Rio, médaille d'argent pour le relais 4x100 mètres nage libre, intouchable depuis 2012, le relais bleu termine juste derrière les Américains, porté par un énorme Michael Phelps. Ils ont fait la course en tête du début à la fin, les Australiens complètent le podium. Le programme des athlètes français aujourd'hui, les séries du 200 mètres nage libre en fin d'après-midi avec Coralie Balmy et Charlotte Bonnet en natation, le 200 mètres 4 nages individuels avec Fantine Lezavre, et en tennis, le simple femme au deuxième tour, Alizé Cornet affronte Serena Williams à 8h15 ce soir. Daesh revendique l'attaque à la machette de Charleroi. Deux policières ont été attaquées et blessées en Belgique samedi. L'agresseur a été blessé par les forces de l'ordre et a succombé à ses blessures. Il a été identifié, Algérien de 33 ans qui vivait en Belgique, connu pour des infractions de droit commun, mais pas pour le terrorisme. Les terroristes boudent la France. Les chiffres officiels ne sont pas bons. Principale raison, les attentats à Paris et sa région sont les plus touchés. Tous les sites touristiques sont impactés, surtout la Tour Eiffel. Américains, japonais et chinois se font de plus en plus rares. La Normandie, la Côte d'Azur et les châteaux de la Loire sont les autres régions touchées. 3 millions de Français ont déjà joué au volant à Pokémon Go. C'est ce que rapporte un réseau d'experts. Cette appli qui vous permet de chasser des Pokémon en réalité augmentée. Plusieurs incidents ont déjà eu lieu depuis la sortie du jeu. Des députés réfléchissent en ce moment même à une loi qui permettrait de mieux encadrer ces jeux en ligne. On termine avec du sport et du foot. Enfin, nous l'avons, les mots de José Mourinho en parlant de Paul Pogba. Le Français s'est engagé à Manchester United hier, transfert estimé à 120 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Il devrait signer son contrat aujourd'hui pour 5 ans et toucher 13 millions d'euros par an. Ok, merci écoute pour ces petites infos là de cette journée, histoire de bien attaquer la journée pour tout savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Toi tu vaux 120 millions d'euros ou pas Jules? Je pense, ouais, quand même. Ouais, tu les mérites, on va te les filer, t'inquiète, à la merci, fin du mois Jules. On va se faire un horoscope de l'amour aussi qui va débarquer dans quelques instants sur Skyrock. Là on est lundi matin, on va attaquer la journée avec vous. Tiens, je vais faire une grosse dédicace à ceux qui sont déjà debout, sont en train de travailler là. Franchement, je sais qu'il y a du monde, donc dédicace à vous tous. Franchement, bon courage. En plus, ceux qui étaient en vacances la semaine dernière aussi, pareil, quand on reprend là, le lundi matin, franchement, ça doit piquer sec là, ceux qui nous écoutent. Bon, en tout cas, merci d'être là sur Skyrock. Bon été à tous. Courage à ceux qui bossent. Il y a la roulette qui va tourner aussi avec plein de cadeaux à l'intérieur. Et là, c'est le morning rap et R&B avec plein de sons à s'écouter. On attaque la journée avec Drake, avec Soprano et le son de Lil Wayne aussi. Lil Wayne avec Wiz Khalifa, c'est Sucker for Pain sur Skyrock. La première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style.

le son de DJ Snake sur Skyrock avec la voix de Justin Bieber. DJ Snake avec Let Me Love You à 6h29. Merci d'être là et d'attaquer la semaine avec nous. Lundi matin, tranquillement, petite dédicace à ceux qui reprennent le travail aussi. C'était chaussée croisée hier, donc j'imagine qu'il y en a plein qui reprennent aujourd'hui. Bon, bah, dédicace à vous tous. Il y a des Dominiques. Tiens, tu connais des Dominiques, Jules ou pas? Non, aucun Dominique. Ah, bah, c'est la Saint-Dominique aujourd'hui. Donc, bah, bonne fête à tous les Dominiques. Bah, on va faire une dédicace à tous les Dominiques là qui nous écoutent. Dédicace à vous. Et, bon, ça va un petit point sur l'actu aussi. C'est parti. L'actu, on attaque avec un petit point sur la météo et sur la pollution. Ouais, bah ce matin ça va, on a du soleil sur la majorité du pays, quelques nuages encore avec de la grisaille sur le nord et des averses sur la Bretagne. Cet après-midi, toujours ces nuages bas hein, sur la moitié nord qui laissent quand même passer les rayons de soleil. Pour la moitié sud, c'est un vrai temps estival, plein soleil. Les températures ce matin vont de 17 à 30 degrés, 19 à Lille et Rennes, 20 à Paris, 22 à Biarritz et Grenoble et 27 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 35 degrés, 21 à Valenciennes, 25 à Strasbourg et Bordeaux, 28 à Toulouse et 35 à Nîmes. La pollution aujourd'hui ça va, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Gap et 5 à Nice. On se fait un petit point sur l'actu aussi, on attaque par la performance des Bleus en natation. Et ouais, la première médaille des Bleus à Rio est en argent, c'est le relais 4x100 mètres nage libre qui l'a remporté. Les nageurs français terminent juste derrière les Américains portés par un énorme Michael Phelps. Les Bleus leur cèdent donc le titre olympique, les Australiens ferment la marche du podium avec la médaille de bronze. La déception du jour est pour Yannick Agnel, le français champion olympique du 200 mètres nage libre de Londres a perdu son titre, éliminé directement en série hier avec le 19e temps. Après la course, il a annoncé que ses JO étaient ses derniers, il met un terme à sa carrière internationale. Les autres principaux résultats des Français hier en handball, les experts se sont fait peur contre la Tunisie mais se sont finalement imposés 25-23. En tennis, en double, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert sont éliminés, tout comme Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga. Satisfaction chez les basketteuses, deuxième victoire en deux matchs hier, 73-72 contre la Biélorussie. On reparle sport en fin de flash. L'attaque à la machette de Charleroi est bien terroriste, elle a été revendiquée par l'État islamique. Deux policières ont été attaquées et blessées en Belgique avant-hier. L'agresseur a été blessé par les forces de l'ordre a succombé à ses blessures. Il a été identifié, Algérien de 33 ans qui vivait en Belgique, connu pour des infractions de droit commun, mais pas pour terrorisme. État d'indignité dans les prisons françaises, la surpopulation bat des records, 395 détenus pour 192 places. Voilà la situation début juillet à la maison d'arrêt de Nîmes. Manuel Valls s'y rend aujourd'hui et pourrait annoncer la construction de nouvelles prisons. On termine avec du sport et du foot. Paul Pogba de retour à Manchester United. José Mourinho soulagé de le voir enfin au club. Le transfert est estimé à 120 millions d'euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Il devrait signer son contrat aujourd'hui pour 5 ans et toucher 13 millions d'euros par an. Merci Jules, tu reviens tout à l'heure à partir de 7h. Un petit point sur l'actu tout à l'heure, la météo aussi, la pollution, la totale. C'est quoi ton signe zodiaque, Jules? C'est Balance. Balance, tu veux connaître ta puissance amoureuse? J'aimerais bien, ouais. Ah bah, tu vas le savoir dans quelques minutes. Avec plaisir. Sois patient, Jules. Ouais, il y a l'horoscope de l'amour là qui arrive dans quelques instants sur Skyrock. Et la roulette aussi, tiens. Envoyez le mot roulette au 7-20-20. Il y a le whoop à choper à l'intérieur. C'est le spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock, la troupe de Mr. V que vous allez pouvoir trouver en privé, rien que pour les auditeurs de Skyrock. Donc c'est cadeau pour vous là ce matin dans la roulette qui va tourner. Il y a plein de sons à s'écouter. Le morning rap et R&B, on enchaîne directement avec SCH, avec le classique de Shaggy aussi, et puis Soprano sur Skyrock qui débarque dans quelques instants sur Skyrock. Allez, 6h32, on est lundi, c'est le 8 août et c'est le morning rap et R&B sur Skyrock. Ah ouais. Non, non. J'aurais pas trop là, mais tu sais, je t'aime, bébé. On a grandi mal, c'est la fausse à la télé. J'pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi, j'irai partout, tant tu m'attendras du rimel sous les cils. Nos photoportraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. J'reviendrai, tu seras distante, mais j'sais toujours te faire rire. J'saurais toujours te faire crier, j'saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais pas tout fait pour te perdre, mais j't'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, j'sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, j'me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô, maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô, maman. Bobo. Bobo, ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin de repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, tant tu m'inspires, mais t'es plus là.

magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop that. Sur Skyrock, là c'est le son de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling sur Skyrock. Plein de sons à s'écouter ce matin, c'est le morning rap et R&B avec Nekfeu qui va débarquer. Le son de Tal aussi avec un titre de son troisième album, elle sort un troisième album Tal. Ouais, ce sera à la rentrée, ce sera bien sûr à découvrir sur Skyrock. Tal avec Are We Awake, tout comme Major Lazer, c'est Cold Water avec la voix de Justin Bieber. Pas loupé tout à l'heure aussi les infos, tout à l'heure avec Jules là qui va se mettre en place. On va parler notamment de la première médaille française. Ouais, c'est tombé tout à l'heure là, c'est juste avant le début du morning rap R&B, c'était le 4x100 masculin, on a terminé deuxième juste derrière les Américains. Il y a le transfert de Pogba aussi, très lourd le transfert de Pogba, franchement une somme de dingue hein. Ça va du côté de Manchester United. Bon bah ça sera à suivre tout à l'heure à partir de 7h du matin sur Skyrock. Le son, bah, je vous disais hein, Nekfeu, Tal, Major Lazer et puis là l'horoscope de l'amour. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. L'horoscope de l'amour, c'est votre puissance sexuelle sur une échelle de 0 à 5. 0 sur 5 pour les Gémeaux et les Béliers, c'est le début de semaine à oublier. Tout ce que vous tenterez aujourd'hui se transformera irrémédiablement en râteau. 1 sur 5 pour les Taureaux et les Cancers. Trop de soucis de compréhension, de dialogue pour espérer briller aujourd'hui. 2 sur 5 pour les Lions et les Balances. Trop de nuages dans le ciel de vos relations, mais ça ne tient qu'à vous qu'à les dissiper. 3 sur 5 pour les Sagittaires et les Verseaux. Alors tout n'est pas perdu, bien au contraire, certaines de vos tentatives pourraient trouver une issue inespérée. 4 sur 5 pour les Vierges et les Scorpions. Bien longtemps que votre pouvoir amoureux n'était pas aussi puissant, il serait bien dommage de ne pas en profiter. 5 sur 5, le maximum pour aujourd'hui. Pour les Capricornes et les Poissons, la déesse de l'amour vous a touché du doigt aujourd'hui. Un vrai rouleau compresseur, rien ne semble vous arrêter. Voilà pour votre horoscope de l'amour pour aujourd'hui, pour ce lundi 8 août, pour le son sur Skyrock. Je vous parlais de Tal, je vous parlais de son troisième album. Tal, on se l'écoute maintenant avec Are We Awake sur Skyrock à 6h48. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient. Une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter quelques heures, s'en aller comme un avion qui passe dans ce monde qui nous laisse. Awake, awake, awake. Où sont nos jeux?

Le son de Major Lazer sur Skyrock avec la voix de Justin Bieber, c'est Cold Water sur Skyrock. It's the morning. The morning. Morning. The morning. Le morning rap R&B. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. Ouais, wake up, le morning rap R&B sur Skyrock. Il y a plein de sons à s'écouter ce matin. C'est un lundi matin de retour de vacances pour certains. Tu vas faire une grosse dédicace à ceux qui reprennent, là, par exemple, aujourd'hui. Bon, bah, dédicace à vous tous. On passe la matinée ensemble. Il y a la roulette qui va tourner avec le spectacle exclusif du Whoop. C'est la troupe de Mr. V que vous allez pouvoir retrouver. Un petit spectacle rien que pour vous, auditeurs de Skyrock. Ça va tomber dans la roulette. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire pour la roulette, bah, il y a moyen dès maintenant, hein, vous envoyez roulette là tout de suite au 7-20-20. On va parler aussi de la première médaille des Français. C'était du côté de Rio. Ils ont gagné 20 000 euros du coup. Hein. Est-ce que tu savais ça, Jules, que le tarif de la médaille d'argent, c'est 20 000 euros? Ouais, je savais, mais ça fait beaucoup. Et s'ils veulent nous le partager avec nous, il n'y a pas de problème. Attends, j'avais une question d'ailleurs. C'est 20 000 euros par athlète ou c'est 20 000 euros parce que là, ils étaient 4. Il faut quoi? Ils divisent ou c'est 20 000 euros chacun? Non, il me semble que c'est la médaille 20 000 euros, donc je pense qu'ils divisent chacun. Ils divisent chacun. Mais je vais confirmer ça pour tout à l'heure. Très bien, on va enquêter un petit peu. Sachant, je vous passe l'info aussi, les Américains, c'est beaucoup moins cher. Hein. S'ils gagnent une médaille d'or, eux, c'est 20 000. Et chez nous, c'est 50 000. Voilà. Ah, très bien. Pour vous passer un petit peu de chiffres ce matin pour attaquer en ce 8 août, là, pour attaquer la journée. On se fait un petit point sur l'actu maintenant. L'actu, et on attaque directement avec un petit point sur la météo, sur la pollution. Ouais, et ce matin, c'est pas mal. Hein, dans l'ensemble, du soleil sur la majorité du territoire. Encore quelques nuages, de la grisaille dans le nord et de la pluie en Bretagne. Cet après-midi, toujours ces nuages sur la moitié nord qui laissent quand même passer des éclaircies. Et on a du soleil pour la moitié sud. Les températures ce matin vont 17 à 30 degrés, 19 à Lille et Lorient, 20 à Paris, 22 à Bordeaux et Lyon et 27 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 35 degrés, 21 à Lens, 25 à Metz et Nantes, 28 à Toulouse et Strasbourg et 35 à Montpellier. La pollution aujourd'hui, ça va, des indices entre 3 et 5, 3 à Tours, 4 à Reims et 5 à Avignon. Bon, on te laisse faire l'actu et on y retourne avec 21 Pilots, avec Jules et avec Drake et Rihanna. La France en argent aux 4 fois 100 mètres nage libre. Première médaille pour la délégation française au JO de Rio. Intouchable depuis 2012, le relais bleu termine juste derrière les Américains, porté par un énorme Michael Phelps. Ils ont fait la course en tête du début à la fin. Les Australiens complètent le podium. Le programme des athlètes français aujourd'hui à 15h, la judoka Autun Pavia, médaillée de bronze en 2012, participe au tournoi des moins de 57 kilos. À 16h30, l'équipe féminine de handball sera opposée à la Russie. Et puis plus tard dans la soirée, à 3h30, les basketteurs français emmenés par Tony Parker affrontent la Chine. À Marseille, deux morts dans une fusillade. Deux jeunes hommes hier ont été tués place Brossolette dans le 4e arrondissement de la cité phocéenne. Les deux victimes sont âgées d'une vingtaine d'années. Ils auraient été suivis par une voiture. La piste du règlement de compte est privilégiée. 1000 personnes rendent hommage aux victimes de l'attentat de Nice. Plus de 3 semaines après l'attaque qui a fait 85 morts, des particuliers ont organisé hier un rassemblement citoyen. L'ambiance était apaisée, différente de celle du 21 juillet où la minute de silence avait été perturbée par des sifflets. Chasser ou conduire, il faut choisir. 3 millions de Français ont déjà joué au volant à Pokémon Go. C'est ce que rapporte un réseau d'experts, cette appli qui vous permet de chasser des Pokémon en réalité augmentée. Plusieurs incidents ont déjà eu lieu depuis la sortie du jeu. Des députés réfléchissent même en ce moment à une loi qui permettrait de mieux encadrer le jeu. On termine avec du sport et du foot. POC back, c'est ce qu'a tweeté hier le compte officiel de Manchester United pour annoncer le retour du milieu français chez les Red Devils. Transfert estimé à 120 millions d'euros, le plus cher de l'histoire du foot. Contrat qui devrait être signé aujourd'hui pour une durée de 5 ans. Et des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic, il a offert la victoire à United hier contre Leicester de buts à 1. Le Community Shield se disputait à Wembley, premier trophée donc pour le Suédois avec son nouveau club. Ok, merci Jules, tu reviens tout à l'heure dans une demi-heure. Je me suis rencardé parce qu'on parlait des primes justement pour les médailles et notamment la médaille française. Et non, en fait, c'est par médaille en fait. Ah, c'est par médaille, ok. Donc en fait, comme ils étaient 4, ils ont 4 médailles, ils ont 4 fois 20 000. Ok, donc chacun 20 000. Ouais, bon, dédicace à eux, tiens, même peut-être qu'ils nous écoutent à Rio, on sait jamais. Ouais, gros big up. Après avoir nagé. Bon, en tout cas, vas-y, retour tout à l'heure, Jules. Il y a la roulette là qui va tourner en ce lundi matin pour attaquer la semaine tranquillement pendant l'été, si ça vous dit. Venez faire tourner la roulette, on vous a mis à l'intérieur le spectacle exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock, c'est le Whoop. Cadeau pour vous donc de la roulette qui va tourner. Pour s'inscrire, super simple, vous laissez roulette au 7-20-20 et vous êtes inscrit pour la prochaine roulette là qui va tourner, promis là ce matin dans le morning rap et R&B. On enchaîne avec une nouvelle heure de son avec 21 Pilots, avec Jules le Marseillais aussi, c'est mon bijou sur Skyrock, et Drake et Rihanna, Too Good sur Skyrock. Rockin' on your radio. Skyrock. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Urban music. Non-stop. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Yeah. Look, I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems

through it like an easy pass. Find a G-spot and step on the gas. Woo! Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. Let's go. What you waiting for? You only got one life. One life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Take a shot, red light, green light. Give me everything you got. Red light, green light. Everybody take a shot. Red light, green light. What you waiting for? Give me the green light. Cause I'm ready to go. Let's have a good time. What you waiting for? You only got one life. And we gon' live it up. So give me the green light. Cause I'm ready to go. Il est 7h30 sur Skyrock, on vient attaquer la journée avec vous sur Skyrock en ce lundi matin, c'est le Morning Rap R&B, on vient passer l'été avec vous sur Skyrock. Comment ça se passe vous ce matin? Bien? Bah en tout cas je l'espère, courage pour ceux qui reprennent le taf là en ce moment, il y en a quelques-uns d'ailleurs, bah courage à vous tous, ça doit piquer un petit peu ce matin après les vacances, ça pique toujours un petit peu au départ mais vous allez vous y faire, pas de problème. Bon, dédicace à vous en tout cas là, merci d'être là sur Skyrock. La roulette, je vous en parlais tout à l'heure, qui va tourner, l'horoscope de l'amour qui arrive aussi, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5, l'horoscope de l'amour, ça sera à découvrir peut-être pour vous dans quelques instants sur Skyrock. Il y a du son aussi avec Maître Gims qui arrive. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité. Le premier invité de Fred dans Planète Rap, ce sera le 22 août. La réédition de l'album de Maître Gims. Et puis là, c'est parti pour l'info. On y va, on fait un petit point sur l'actu. On attaque directement avec la météo et avec la pollution aussi, Jules. Ouais, bah ce matin, ça va. On a du soleil sur la majorité du pays. Quelques nuages encore avec de la grisaille sur le nord et des averses sur la Bretagne. Cet après-midi, toujours ces nuages bas sur la moitié nord qui laissent quand même passer les rayons de soleil pour la moitié sud. C'est un vrai temps estival, plein soleil. Les températures ce matin vont de 17 à 30 degrés, 19 à Lille et Rennes, 20 à Paris, 22 à Biarritz et Grenoble et 27 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 35 degrés. 21 à Valenciennes, 25 à Strasbourg et Bordeaux, 28 à Toulouse et 35 à Nîmes. La pollution aujourd'hui, ça va, des indices entre 3 et 5, 3 à Rouen, 4 à Gap et 5 à Cannes. Maître Gims, Macklemore, il y a le Marseillais Jules aussi qui arrive, et on attaque l'actu avec la performance de la natation française. Et ouais, personne n'est imbattable, les mots de Florent Manodou après avoir remporté cette médaille d'argent, déçu de ne pas avoir conservé leur titre olympique, mais première médaille quand même pour la délégation française grâce à cette deuxième place du relais 4 fois 100 mètres nage libre. Les nageurs français terminent juste derrière les Américains porté par un énorme Michael Phelps. Les Australiens ferment la marche du podium avec la médaille de bronze. Les principaux résultats des Français hier en handball, les experts ont réussi leur entame contre la Tunisie, se sont fait peur quand même mais se sont imposés 25 à 23. En tennis, catastrophe en double, Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert sont éliminés, tout comme Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga. Satisfaction du côté des basketteuses, deuxième victoire en deux matchs hier, arrachée au buzzer par les braqueuses comme on les appelle, 73-72 contre la Biélorussie. État d'indignité dans les prisons françaises, la surpopulation bat des records, 395 détenus pour 192 places, voilà la situation début juillet à la maison d'arrêt de Nîmes. Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la Justice, y rend aujourd'hui avec Manuel Valls. Le Premier ministre pourrait annoncer la construction de nouvelles prisons. Un septième blessé et une femme toujours entre la vie et la mort après l'incendie de Rouen qui a détruit un bar lors d'une fête d'anniversaire ce week-end. Le bilan est de 13 morts, 8 d'entre eux ont entre 18 et 25 ans. Le pronostic vital d'une jeune femme gravement brûlée est toujours engagé. On termine avec du sport et l'info principale du monde du foot aujourd'hui. Paul Pogba de retour à Manchester United. José Mourinho soulagé de le voir enfin au club. Le transfert est estimé à 120 millions d'euros, le plus cher de l'histoire du foot, devant celui de Gareth Bale transféré de Tottenham au Real pour 101 millions d'euros. Pogba, comme on l'appelle, devrait signer son contrat aujourd'hui pour 5 ans et toucher 13 millions d'euros par an. Ah, ça marche pour lui, pour Pogba, et ça marche pour toi aussi, parce que tu reviens tout à l'heure à 8h pour nous faire un petit point sur l'actu tout à l'heure. Ouais, à toutes. Si ça a bougé. À tout à l'heure, Jules, on va s'écouter du son aussi avec Maître Gims. On va parler de Pop Boom, tiens. Maître Gims qui va débarquer là dans quelques instants. Il y a Macklemore aussi avec Sam Love. Il y a le Marseillais Jules qui arrive avec un des titres de son album que vous aviez découvert durant cette saison de Planète Rap entre 20h et 21h avec Fred. La reprise, c'est le 22 août, justement avec Maître Gims qui sera l'invité de Fred. Allez, bon lundi matin à tout le monde. Merci d'être là. Tiens, si vous nous écoutez, là, mettez un petit message sur l'appli. Il y a Clo-Clo qui nous dit coucou. Bah, coucou à toi, Clo-Clo. Merci d'être là. On nous a envoyé un petit message avec son iPhone. Bah faites pareil aussi, comme ça on se fait des coucous et on passe la matinée ensemble, on attaque la semaine ensemble. Allez, du son sur Skyrock. Comme promis, Maître Gims, maintenant c'est Ma Beauté sur Skyrock. Macklemore aussi pour la suite du son. Dans quelques instants avec Sam Love. C'est le morning rap R&B, il est 7h33 et on est content d'attaquer la semaine avec vous sur Skyrock. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie. Je pleure comme un mort, je me sens délaissé, ouais, je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça, pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas, ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi c'est une évidence. Je sais ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté repose-toi, ma beauté repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché. Maintenant tu m'abandonnes, j'ai mérité, dans les rues je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, dans les rues je vagabonde. Je mérité, dans les rues je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Du rap et du R&B. Et du R&B. Skyrock. Skyrock. Une bonne musique non-stop. When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change, even if I try. If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Play, don't press pause. Progress march on with the veil over our eyes. We turn our back on the cause till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway plagued by pain in their heart, a world so hateful some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear. Underneath, it's all the same love. About time that we raised up. And I can't change. Morning. Rap et R&B. Rap. R&B. 6h-9h sur Skyrock. C'est Tchou-Tchou-Tchou sur Skyrock. Rap et R&B non-stop. C'est Tchou-Tchou-Tchou sur Skyrock. Rap et R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune, pieds sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. Faut que je les lisonne. J'envoie des sons pour venisant la mort. Je me vois partir sous se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise c'est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Ne me laissez pas seul parce que je vais trop gamberger. Tôt ou tard les loups se feront manger par le berger. Pourquoi aller? Je fais ce que je peux pour mes potos. Et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment, je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu peux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Partir sous se nager dans l'eau. Faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse, même par amour. La mise est fraîche, je suis parano. Elle a fait des mèches, je suis parano. Parano, parano. Du mal à sortir mes émotions. Je roule en bolide 4 motion. Du mal à sortir mes émotions. Motion. Je roule en bolide 4 motion.

Il est 7h49, pratiquement 7h50. Soyez tous les bienvenus. Merci d'attaquer la semaine avec nous sur Skyrock. Oui, on va se faire un petit point sur l'info aussi tout à l'heure. À partir de 8h, il y a Jules qui va débarquer, qui va nous parler de tout ce qui se passe aujourd'hui, de la météo aussi. On va revenir aussi sur la médaille française de natation. Ça y est, les Français ont chopé une première médaille. Elle est d'argent, c'est déjà pas mal. Il y a le transfert de Pogba aussi, hein, qui a tout déchiré. On va en parler tout à l'heure, promis, aux alentours de 8h du mat. Et la roulette aussi qui va tourner. La roulette avec les places pour le Whoop. Le concert exclusivement réservé aux auditeurs de Skyrock. Il y a l'horoscope de l'amour aussi, votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5 qui va débarquer dans quelques instants sur Skyrock. Comment est-ce que vous allez attaquer la semaine? Bon ben voilà, c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Je vais faire une grosse dédicace à Mickaël qui nous dit, qui nous fait qui nous souhaite une bonne journée, qui fait une dédicace à tous les Avignonnais. Il est déjà là, ben big up à toi Mickaël. Il y a Vanessa dans le 6-2 aussi qui dit coucou de la grisaille du Nord. Heureusement que vous êtes là pour ensoleiller mes journées, je vous aime. Bon, on t'aime aussi Vanessa. Ben, dédicace à toi Vanessa dans le 6-2. Kitam, salut Stéphane. Ben, salut Kitam. Tiens, laissez des petits messages, des dédicaces aussi pour voir si vous êtes là avec nous ce matin. En tout cas, vous êtes déjà là et ça fait vraiment plaisir. 7h50 ce matin sur Skyrock. Début de semaine, tranquillement. Pour certains, c'est la reprise, donc on y va doucement. Drake sur Skyrock avec One Dance. Allez, Drake qui arrive. L'horoscope de l'amour aussi. C'est juste après Drake. Suicide Squad, le son du film événement avec Lil Wayne, Wiz Khalifa, Rick Ross, 21 Pilots. Suicide Squad, à découvrir dans tous les magasins Fnac et sur Fnac.com. Alors c'est cool d'habiter seul? Grave, ça m'évite pas mal d'allers-retours. J'avoue que la fac c'était un peu loin de chez tes parents. Eh, ça m'évite surtout des allers-retours entre mon canapé et mon lit. Vous aussi, adoptez le confort de nos canapés-lits. En ce moment, le canapé convertible L'XL Mur Boransta est à 229€ au lieu de 289. Sur présentation de la carte gratuite IKEA Family, détails sur IKEA.fr. IKEA. DJ Snake. Découvre encore le premier album de DJ Snake, inclut les singles Middle et Talk. Avec Justin Bieber, Travis Scott, Young Thug, Jeremiah et bien d'autres. Encore, le premier album de DJ Snake, disponible maintenant. La RATP vous informe que le trafic est interrompu sur le RER A du 23 juillet au 21 août inclus, entre la Défense et Nation. Ah, c'est vrai. Mais comment je fais alors? Pas d'inquiétude. Métro, tram et bus sont renforcés et plus de 1000 agents sont à vos côtés pour vous accompagner. Ah, ça c'est bien. Comme ça, après le boulot, je suis sûre de pouvoir faire les courses, emmener Mathieu au foot et récupérer Julie au centre de loisirs. Le bonheur, quoi. À 40 ans, le RER A doit renouveler ses voies. Retrouvez informations et solutions sur RATP.fr. Le RER A est en train de changer. Le Morning Rap R&B. R&B. 6h-9h sur Skyrock. C'était ton frère, c'était ton rey. Oh my god, c'est dingue.

Le gros son du Canadien Drake sur Skyrock, véritable carton pour son album. Ce titre-là, c'est One Den sur Skyrock. It's the morning. The morning. Morning. The morning. Le morning rappé R&B. Wake up. 6h-9h sur Skyrock. On est là pour attaquer la journée à partir de 6h du matin jusqu'à 9h. Il est pratiquement 8h d'ailleurs. Il y a la roulette qui va tourner tout à l'heure avec le Whoop pour vous à l'intérieur. Si vous voulez vous inscrire, c'est possible pour s'inscrire à la roulette et attaquer la semaine avec nous. Bah, c'est super simple. Hein. Vous envoyez le mot roulette au 7-20-20. Donc la roulette qui va tourner. Puis on va parler un petit peu de l'actu aussi avec Jules qui est déjà installé. On va parler entre autres de la médaille française. Bon, on est content, on en parle forcément, c'est la première. Ben ouais, bien sûr. La médaille d'argent, on va parler de Pogba aussi parce que lui il est de retour à Manchester United avec un gros chèque. Un très gros chèque. Un très gros chèque. On va parler de la taille du chèque avec toi. Bon, on se fait un petit point sur l'actu juste après la météo et la pollution pour aujourd'hui. Ouais, et ben ce matin c'est pas mal, hein, dans l'ensemble du soleil sur la majorité du territoire. Encore quelques nuages et de la grisaille dans le nord et de la pluie en Bretagne. Cet après-midi, toujours ces nuages sur la moitié nord qui laissent quand même passer des éclaircies. Et on a du soleil pour la moitié sud. Les températures ce matin vont de 17 à 30 degrés, 19 à Lille et Caen, 20 à Paris, 22 à Bordeaux et Grenoble et 27 à Marseille. Cet après-midi, elles vont de 18 à 35 degrés, 21 au Havre, 25 à Metz et à Bayonne, 28 à Toulouse et Mulhouse et 35 à Montpellier. La pollution aujourd'hui, et ça va, des indices entre 3 et 5, 3 à Tours, 4 à Reims et 5 à Avignon. La pollution, ça va avec Calvin Harris qui arrive avec Rihanna, avec SCH, Alicia Keys et là c'est l'actu. Forcément, un goût amer, c'est ce qu'a déclaré Fabien Gillot, le capitaine des Bleus, après la médaille d'argent remportée par la France aux 4 fois 100 mètres nage libre. Les Bleus cèdent leur titre aux Américains, portés par un énorme Michael Phelps. Les Australiens complètent le podium. Le programme des athlètes français aujourd'hui à 15h, la judoka Autun Pavia, médaillée de bronze en 2012, participe au tournoi des moins de 57 kilos. À 16h30, l'entrée en lice de l'équipe féminine de handball qui sera opposée à la Russie. Plus tard dans la soirée, à 3h30, les basketteurs français emmenés par Tony Parker affrontent la Chine. Et à 3h38 exactement, s'il n'y a pas de retard, Camille Lacour en natation est en finale du 100 mètres d'eau. Daesh revendique l'attaque à la machette de Charleroi. Deux policières ont été attaquées et blessées en Belgique samedi. L'agresseur a été blessé par les forces de l'ordre et a succombé à ses blessures. Il a été identifié, Algérien de 33 ans qui vivait illégalement en Belgique, connu pour des infractions de droit commun mais pas pour terrorisme. 3 millions de Français auraient déjà joué au volant à Pokémon Go, cette appli qui vous permet de chasser des Pokémon en réalité augmentée. Plusieurs incidents ont déjà eu lieu depuis la sortie du jeu. Des députés réfléchissent en ce moment même à une loi qui permettrait de mieux encadrer le jeu. On termine avec du sport et du foot. Poc back, c'est ce qu'a tweeté hier le compte officiel de Manchester United pour annoncer le retour du milieu français chez les Red Devils. Transfert estimé à 120 millions d'euros, le plus cher de l'histoire du foot. Contrat qui devrait être signé aujourd'hui pour une durée de 5 ans. Et des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic. Il a offert la victoire à United hier contre Leicester de buts à 1. Le Community Shield se disputait à Wembley. Premier trophée donc pour le Suédois avec son nouveau club. Ouais, il va tenter de zlataner les Anglais, Zlatan. Exactement. Cette année, on parlait de la médaille de natation. Est-ce que tu sais, Jules, c'est quoi le top 5 des disciplines au JO pour les Français? Ah non, dis-moi. Si tu dois classer le premier d'après toi, là où on a pris le plus de médailles dans l'histoire des JO. Le plus de médailles, je pense que c'est en natation quand même. Non. Natation, c'est même pas dans les 5 premiers d'ailleurs. Dans les 5 premiers. Ouais, voilà. Le premier, c'est l'escrime. Le deuxième, c'est le cyclisme. Troisième, l'athlétisme. La quatrième, c'est l'équitation, pratiquement à égalité avec la voile. Ah bah voilà. On a même pris une médaille en tir à la corde. Je te jure, c'est vrai. Excellent. C'est un truc qui est en 1920. On a pris une médaille d'argent. Ah bah très bien. Bah, depuis, on fait plus de tir à la corde. Non, je pense pas. Ouais, c'est terminé. Bon, vas-y, rencard tout à l'heure à partir de 8h30. À Jules, tout. Tu reviens. Nous, on est là en direct sur Skyrock. On vient attaquer la semaine avec vous. Tiens, je vais faire un big up à Kassim qui est déjà là. À Teva aussi. Teva, le routier là qui nous écoute. Vous êtes au top. Il nous a dit bah, c'est toi qui es au top. Merci d'attaquer la journée avec nous. Lundi matin, on est le 8 août. Il est 8h03 pour le son Calvin Harris, Rihanna, SCH, Alicia Keys et la roulette qui va débarquer. Écoute la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you.

Les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le job s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre depuis que les hommes font pire. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. So yeah. Strong, eh? I'm back, baby. I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. Put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one and if you with me, put your hands high. Your dreams are filled, you're rocking with the best. Hey. I'll be on the show. I hear the tears of a clown. I hate that song. I always feel like they're talking to me when it comes on. Come on. Damn, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable prolong. Another day, another dawn. Come on. Just tell Keisha and Teresa I'll be better in the mold. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I belong. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away. Check this out. A house is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And people got the nerve to blame you for it. And you know you would've took the bullet if you saw it.

I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, waiting to see them like a panda. Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacies, family, waiting to see them. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet you bandit, hope killers understand. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, why is it look like a band? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it family? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then the bullet you bandit, hope the killers understand. Hey! Panda. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shoot, sip a fan. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let it sign. Over to Lattie shoot, they be acting rent, I know we clap at you. I be pulling my stuff in the fan shoot. I got plenty just up with Bugatti, but look how I try to shoot. Black assist, family, why is he killing no comma? Pop a perk, I got stand a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the fan, no nigga, they come and kill you on the comma. But Rolly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, this count for digits, say you make you a lot of new money. No some killers, pull up in the end of baby, CTD. Diddy pull off any killer, baby. Call a filler, fill up on filler, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning. The Bobby be trending. Chop the dawn, doing business. And the rape, doing the pool, doing the billing. I be getting to the chicken, count to the chicken. And all of my niggas be bleeding. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the band. Legacies, family, waiting to see look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, waiting to see panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your bandit, hope you killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacies, family, why is it panda? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for Grammy. Then they pull up your bandit, hope you killers understand me. Panda. Le son du New Yorkais designer sur Skyrock avec Panda pour clôturer ce morning rap R&B. Je vous fais le rencard demain, je serai là entre 6h et 9h sur Skyrock. Voilà, pour vous parler de tout, histoire de bien attaquer la journée. On a parlé du transfert de Pogba à Manchester United. Ah ouais, 120 millions 120 millions, c'est le record, hein, c'est le plus gros transfert. Genre le plus cher de l'histoire. Ouais, devant Gareth Bale qui avait pris, lui c'était 101 millions. Ouais, et Ronaldo qui avait pris 94 millions aussi. 94, ouais, ouais exactement. Ouais. Voilà, et puis la, première, bien, la première médaille française aussi. Ah ouais, c'est quoi, j'ai pas suivi. Ah bah c'est le relais 4x100 masculin. On a terminé juste derrière les Américains. Et on a terminé la médaille d'argent. Voilà. Bah c'est cool, on a ouvert le compteur d'or là au JO. D'or non. Ah non, d'argent. Ouais, c'est de l'argent. Ah oui, je suis bête, excuse-moi. Non, c'est les Américains que ils ont ouvert par contre. Ouais, ils sont plus rapides. Bon bah écoute, vas-y, c'est parti Maxime. Ouais, pour le son de Skyrock jusqu'à midi. Et puis dédicace à tout le monde, merci d'avoir été là ce matin. Et puis rencard demain, 6h, 9h. Et bah on sera là. Salut Steph. Ciao. Ciao, il est 9h02 sur Skyrock, rap R&B non-stop avec vos places. Grâce à la sécurité routière, on vous envoie à la rentrée au spectacle du Whoop avec Mister V et toute l'équipe. Ce sera à gagner dans la roulette de Skyrock. Avant midi, et là on attaque maintenant avec du son. Rap R&B en premier, voici Drake, One Dance, mon bijou, le son de Jules juste après. Et puis Florida numéroté, nouveauté Skyrock, c'est Green Light sur Sky. T'écoutes la première radio urbaine mondiale. Skyrock. Non-stop. Baby, I like your stuff. On your way.

chez moi. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'enfoncer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter. Je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre. Nouveauté Skyrock, le nouveau Black M de Section d'Assaut avec Je suis chez moi. On va retrouver Black M avec la section tout au complet. Dans un instant, ce sera le classique J'ai pas les loves du son rap français à retrouver très rapidement sur Skyrock. Juste avant, on se fait Mike Posner avec Tukopi Linibisa, Vita Jules, ça les dérange. Et Alicia Keys maintenant, classique No One sur Skyrock. Non-stop.

Sad soul.